peur du noir, ni du désespoir. Je n'aime que la gloire, n'aime que la conquête de nouveaux pouvoirs. Je n'ai pas peur du noir, je suis prêt à faire mal. Rébané, costume noir, tous nouveaux attributs pour super pouvoir. Sous les flashs qui crépitent, je souris et je vis. Et je vis. Je n'ai pas peur du noir, mais je peux pas les voir. Regarde dans le miroir et alors j'oublie tous les cris de désespoir. Je n'ai pas peur du noir, dans ma tour d'ivoire. Circuler, y'a rien à voir et respecter mon rang président superstar. Sous les flashs qui crépitent, je souris. Sous les flashs qui crépitent, je souris. Tout là-bas, au loin, il y a la vie. Tout en bas pour qu'on les oublie. Je parle, la lumière m'éblouit quand je pense que ce sont eux qui m'ont choisi. Mon talent, c'est de faire du bruit. Et tant pis si ça sonne un peu. Sous les flashs qui crépitent, je souris.